quand il a été question de me faire vacciner, moi, elle a été, elle a dit des trucs assez durs. Hein. Elle m'a sorti des bon, j'espère que t'auras rien, mais enfin, qui voulait dire. Enfin, c'est une espèce de partage, en gros. Si j'ai rien, elle est contente parce que je suis sa fille. Si j'ai quelque chose, elle est aussi contente parce qu'elle a raison. Donc, ça fait mal d'entendre ça, quoi, en fait. Hey, ouvrez les yeux, juste. Ouvrez un peu les yeux, en fait. Des gogoles, peut-être des gogoles. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé sur le bûcher. Mais réveillez-vous, tout est calculé. Pour qu'il y ait des complotistes, comme disait ma grand-mère, il faut qu'il y ait des comploteurs. Tout est faux et planifié à l'avance. Excuse-moi, mais il faut être borné de l'œil dominant pour pas le voir. Et alors là, il me disait que j'étais vraiment un mouton, que j'étais vraiment, que j'avais plus de cerveau et que je faisais partie d'une expérience de manipulation de masse. On a touché le fond. Hein. À un moment, je voulais plus la voir. J'avais plus de mère. Mon Dieu, mais jusqu'où ça va aller? Bonjour à toutes et à tous, je suis Perrine Bontemps et vous écoutez Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch qui donne la parole à celles et ceux qui subissent le complotisme au quotidien. Dans ce deuxième épisode, c'est au tour de Stéphanie, 37 ans, de nous raconter son histoire. Alors qu'elle est encore enfant, elle est marquée par la perte de son père. À la suite de cet événement, sa mère se tourne progressivement vers des pratiques spirituelles et alternatives. Avec l'arrivée du Covid, des confinements, des vaccins, elle plonge alors tête baissée dans les théories complotistes. Stéphanie a du mal à supporter les confrontations quotidiennes et leur relation devient de plus en plus compliquée. Je suis fille unique et en fait j'ai perdu mon papa quand j'étais toute petite. Du coup, ma maman a fait vraiment tout ce qu'elle a pu pour subvenir à nos besoins, etc. Donc, ensuite, si on va sur le thème tout ce qui est complotisme, etc., à cette époque-là, j'ai pas l'impression qu'il y avait vraiment, qu'elle était vraiment dans des pensées alternatives ou quoi, à part peut-être l'homéopathie. C'était, en tout cas, à l'époque, avant le débat sur le déremboursement, etc., c'était quelque chose de très mainstream, justement. Et au moment du décès de mon père, elle est partie vraiment dans des choses qui faisaient du bien quand on perd notre cher, quoi. C'est tout ce qui est la vie après la mort, les signes de l'au-delà, etc. Et je pense que de fil en aiguille, elle s'est retrouvée dans des groupes de gens qui allaient un petit peu au-delà de ça. Moi je le vois en tant qu'ado, parce qu'au début, je ne me posais pas forcément de questions sur tout ce qu'elle croyait. Alors, au niveau, par exemple, des vaccins, pour moi, elle n'était pas anti-vax et j'ai eu tous mes vaccins petites. Mais c'est vrai qu'elle s'est posé beaucoup de questions par la suite. Et par exemple, quand le vaccin du papillomavirus est arrivé, je ne l'ai pas fait. Et moi, sur le coup, j'étais enfant, j'étais contente, quoi. Un vaccin en moins, c'est une piqûre en moins, ça fait pas mal, quoi. Au lycée, Stéphanie se tourne vers des études scientifiques pour devenir ensuite ingénieure. En même temps, elle découvre Internet qui arrive progressivement dans les foyers français. Elle s'intéresse à Oxbuster, un site web créé en 2000 dans le but de limiter la propagation des canulars informatiques et des rumeurs qui circulent sur la toile. Elle tombe aussi sur des forums et découvre ainsi l'existence des platistes, ces individus qui croient que la Terre est plate et se fascinent vite pour leurs échanges. C'est ça qui m'a fait arriver un peu face à ma mère, des fois, avec les billes pour lui répondre, en fait, parce qu'elle me disait un truc, elle qui n'est pas du tout dans la science, etc., elle me disait ce qu'elle croyait avoir compris, et je lui disais, mais non, maman, c'est pas possible, parce que tac, tac, tac, tac, tac. Et donc, voilà. Mais à l'époque, les débats, c'était vraiment sur les vaccins qui donnent l'autisme, des choses comme ça, tout ce qui est chemtrails aussi. Ah, oh, quand même, il y a beaucoup d'avions. Oh là là, toutes les traces, ça doit pas être naturel, tout ça. C'est pas naturel, c'est de la pollution, hein, mais est-ce que ça vise vraiment à nous faire du mal, etc. il y aurait des preuves, il y aurait des choses comme ça, quoi. Les chemtrails, c'est le nom donné par certains complotistes aux traînées blanches de condensation laissées par les avions dans le ciel. Ce matin, Marseille, quadrillé de chemtrails. Alors, hier, il y avait un chemtrail qui faisait un virage et qui s'est arrêté en plein ciel. Alors, j'aimerais bien savoir quel est l'avion civil qui fait ça. Selon eux, ces traînées blanches correspondraient en réalité à des épandages de produits chimiques qui auraient pour but d'empoisonner les populations. Je pense qu'elle s'est enfermée là-dedans au moment du premier confinement. Et c'était malheureusement un moment où j'ai pas pu être présente. Bon, déjà physiquement, c'était pas possible. Et aussi, j'étais pas forcément disponible pour l'entendre et pour me rendre compte de ce qui se passait, parce qu'à ce moment-là, j'étais enceinte. Et j'étais très nauséeuse, j'étais pas bien du tout. Et donc, voilà, on s'appelait tous les jours. Et en fait, tous les jours, c'était... oh là là, on est confinés depuis 3 jours, les hospitalisations diminuent pas, ça veut dire que ça sert à rien ce qu'on fait, et ainsi de suite. Le lendemain, oh là là, et enfin, en fait, à chaque fois, j'ai dû lui expliquer un petit peu hein, tout ce qui est inertie, le principe d'inertie. En gros, il fallait un petit peu de temps pour que tout rediminue, etc. Et en fait, à chaque fois, c'était « Ah, mais j'ai vu ça sur Internet, tu savais que, tu as vu que... » Et à chaque fois, c'était des choses... des choses que j'avais déjà vues. Donc à chaque fois, voilà, chaque jour, il y avait son petit lot de ça sert à rien, le confinement, c'est pas normal, ou alors au contraire, cette maladie, on nous cache des choses, etc. Ou alors, c'est volontaire, si on n'a pas les masques, c'est pour nous faire du mal, etc. Et donc à chaque fois, j'essayais de, bah, déjà de la rassurer, de détricoter le truc. Et le problème, c'était que le lendemain, bah, c'était reparti à zéro. Et j'avais... parce qu'entre-temps, il s'était passé 20 heures où elle était sur son téléphone, sur son ordinateur, je sais pas, et elle regardait des vidéos, et voilà. C'est une politique de peur, un genre de terrorisme psychologique. Nous sommes en train de vivre un génocide. Le virus a été inventé pour diminuer la population et esclavager le reste qui survit. Je mourrai du Covid s'il le faut, mais je ne serai pas vacciné. Parce que entre vivre comme un lâche ou mourir avec honneur, mon choix est fait. Et alors, si c'est un complot mondial de quelques salopards qui cherchent à nous asservir, bah là, ceux-là, il faut qu'on les pende. Et donc, du coup, bah, moi, je l'ai vu et moi, ça m'a énervé en fait. J'ai pas forcément eu la bonne réaction quand on voit toutes les ressources sur vous avez un proche complotiste, etc. C'est à garder contact, etc. Enfin, surtout ne lui opposez pas de résistance. Bah, c'est exactement ce que j'ai fait en fait. Parce que à un moment j'en avais marre qu'elle me sorte des trucs en plus des trucs qu'elle ne comprenait pas parce que ma mère elle a aucune base scientifique donc elle faisait que recracher ce qu'elle disait. Moi ça m'énervait. J'étais pas physiquement et mentalement dans une position à pouvoir encaisser le truc et répondre de la bonne façon. Voilà, en plus je suis pas d'un naturel très patient. Donc c'est vrai que ça a commencé un petit peu à monter en mayonnaise à ce moment-là. Et à chaque fois, bah, ma mère elle revenait. Et moi, à ce moment-là, je l'ai très très mal pris parce que j'aurais bien aimé parler de moi, de ma grossesse, de comment je me sentais, et je me sentais pas bien. C'est pas que à cause du confinement, mais ma mère a été totalement absente de ma grossesse en fait. Et ça, c'est... voilà, ça m'a fait un peu mal. Et en parallèle, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que ma mère, elle avait peur du Covid. Donc il y avait le côté contre, le côté on nous ment, etc. Mais il y avait aussi le côté peur du Covid. À ce moment-là, il y avait... ouais, elle m'a parlé de professeur Raoult. Elle m'a parlé plusieurs fois de Martine Vonner. Elle est assez fan de Berkoff. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, François, c'est plus récent, je pense. Il y avait Louis Fouché aussi. Tous ces noms sont très populaires dans la complosphère. Écoutez par exemple Martine Vonner, en 2021. Toutes ces personnes âgées qui ont été achevées, assassinées, seules, avec du Rivotril. Et ceci est totalement impardonnable. Et ceci s'appelle un crime contre l'humanité. À ce moment-là, elle était encore députée de la 4e circonscription du Bas-Rhin. Elle reprend ici, à son compte, des accusations prétendant que les médecins euthanasiaient les personnes âgées avec un médicament, le Rivotril. Pendant la crise sanitaire, il était notamment utilisé comme sédatif et autorisé pour des personnes en fin de vie afin de soulager leurs souffrances. Bah, c'était compliqué parce que même si on s'engueule pas pour des choses qui nous touchent au quotidien, le fait de se disputer constamment, ça aide pas du tout à la relation. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, c'était compliqué. Moi, j'arrivais plus à échanger sur autre chose. Et c'est à ce moment-là aussi que je me suis aperçue que moi, je pouvais faire en sorte de ne pas en parler, de ne plus parler de sujets sur la crise sanitaire, etc. Mais ma mère, elle revenait à la charge tout le temps. Elle me sortait le dernier breaking news qu'elle avait vu sur Twitter. Enfin, pas sur Twitter, parce qu'elle n'allait pas sur Twitter, mais qu'elle avait vu sur YouTube, etc. Attention, t'as vu ça ? Et moi, j'ai essayé plusieurs fois de lui dire, mais stop, en fait. Tu vois, quand on parle de ça, on finit par s'engueuler. Donc, on arrête de parler de ça et c'est plus simple. Et ça tenait un jour, deux jours, et puis il fallait qu'elle en parle. Et quand je lui disais, mais tu te rends compte que là, toi, tu parles que de ça? Et elle me disait à chaque fois, c'était, ouais, mais j'ai quand même le droit de m'exprimer, quoi, c'est la liberté d'expression. Ouais. Sauf que pour qu'au final, on arrive à ne pas s'engueuler, il fallait que moi, bah, je restreigne ma liberté d'expression pour ne pas répondre. Sachant que quand elle me parlait des sujets complotistes, c'était pas juste j'en parle et puis c'est fini, c'était j'en parle. Et toi, t'en dis quoi? Donc voilà, ça demandait une réponse, donc c'était très très compliqué. Je même dis, on fait un espèce de nom de code, quand tu commences à parler ça, même si tu t'en rends pas compte, je te dis stop et on passe à un autre sujet. Oh quand même, c'est bon, je vais pas, tu vas pas me dire stop comme ça. Enfin, voilà, c'était facile ni pour elle ni pour moi, hein, c'était... Elle s'en rendait compte. Entre-temps, on a quand même vu une psy pour essayer d'améliorer notre relation, etc., sans parler du sujet complotisme. Et alors c'était quelque chose du genre thérapie familiale. Elle a voulu revoir ma mère, et en fait, il s'est avéré que ma mère l'a vue une fois et que ça s'est a priori mal passé. Donc du coup, c'était la psy qui n'était pas bien. Et puis entre-temps, moi, j'ai accouché. Et il s'est trouvé que j'étais encore moins réceptive pour échanger avec elle après l'accouchement parce que bah, je suis passée d'un état de femme enceinte nauséeuse jusqu'à la fin de la grossesse à maman d'un petit bout de chou qui ne dormait pas, qui n'a pas dormi pendant 17 mois, donc c'était long. Donc j'étais pas vraiment réceptive pour échanger, pour convaincre, pour répéter. C'est surtout répéter en fait, moi, mon problème, je n'aime pas. Quand ils ont commencé à annoncer qu'un vaccin allait être testé, etc., elle disait « Oui, bah, je me ferai vacciner quand on aura suffisamment de recul, etc. » Mais sauf qu'en fait, on n'a jamais eu suffisamment de recul. Et qu'entre-temps, bah, elle a vu passer des témoignages et des témoignages et encore des témoignages de gens qui ont bah, soit des pathologies réelles, soit des pathologies, des trucs qui arrivent de nulle part, Mais voilà, du coup, ma mère ne s'est jamais fait vacciner, et là-dessus est arrivé le pass sanitaire, et là, ça a été très, très, très mal vécu, et je peux le comprendre, parce que bon, je pense que c'était quand même pas très bien amené, ce truc-là, parce que là, on touchait à son quotidien, on touchait à sa qualité de vie, surtout, et donc du coup, là, elle a commencé à être vraiment très, très en colère contre le gouvernement et tout, donc c'est vrai que c'est... Ces discours, c'était vraiment après anti-gouvernement et Macron ceci, et Macron cela. Et c'était comme si c'était Macron qui avait fait le vaccin. Parce qu'en fait, dans sa tête, vraiment, c'est tout très mélangé. Quoi. Elle confond les données scientifiques avec les décisions de Macron. On peut suivre les données scientifiques et être en total désaccord avec les décisions de Macron. Donc du coup, bah, vaccin, quand il a été question de me faire vacciner, moi, elle a dit des trucs assez durs. Hein. Elle m'a sorti des « bon, bah, j'espère que t'auras rien », mais qui voulait dire... C'est une espèce de partage, en gros. Si j'ai rien, bah, elle est contente parce que je suis sa fille. Si j'ai quelque chose, bah, elle est aussi contente parce qu'elle a raison. Donc ça fait mal d'entendre ça, quoi, en fait. Stéphanie n'est pas restée sans rien faire face à la relation qui se dégradait avec sa mère. Après avoir essayé d'argumenter et de la convaincre, elle a voulu tenter la diversion et changer de cadre. Ça allait toujours pas entre nous. Je me suis dit, oh, on va faire le marché de Noël, comme ça on va voir des choses, on va parler d'autres choses, etc. Et j'étais plus là-dedans, moi, du tout. Enfin, pour moi, Noël, c'était quand même très, très éloigné du mois de juillet où le pass sanitaire a été... Voilà, donc j'y étais plus du tout. Et on commence à s'approcher du marché de Noël et je vois des rambardes et des policiers municipaux qui regardent le truc. Donc je commence à me dire, oh là là, j'ai peut-être fait une erreur. Et là, ma mère, elle a éclaté quand elle a compris qu'elle ne pouvait pas faire le marché de Noël. Et elle a dit très très fort, il y avait du monde autour, c'était un marché de Noël, c'est normal, que si on la mettait dans un train pour Auschwitz, c'était pareil. La situation était similaire. Donc j'étais super mal à l'aise, d'autant que bah, c'est ma ville, moi je vis ici, pas elle. Donc voilà, j'étais très mal, j'ai essayé de rattraper le coup, etc. Mais c'était... C'était vraiment une situation assez humiliante. Et après, bah, c'est vrai que les discours étaient encore plus marqués, mais je pense que c'était la colère de la situation avec le pass sanitaire. Elle m'a parlé plusieurs fois, on est en dictature, etc. J'ai expliqué, dictature, voilà, Corée du Nord, tout ça, c'est pas tout à fait pareil, mais à chaque fois, c'était, elle en démordait pas. Et, bah, c'est vrai qu'il n'y avait plus de... Il n'y avait pas de retenue, en fait, dans ses propos. C'était vraiment très... c'était excessif à chaque fois, quoi. Et excessif, et bien... Enfin, qui éclatait au mauvais moment, quoi, au moment où les gens peuvent entendre. donc c'est compliqué. Ton passe, on n'en veut pas. Macron, ton passe, on n'en veut pas. Elle a eu le Covid, elle l'a eu deux fois, à ma connaissance. Mais elle a fait le Covid une première fois, elle ne me l'a pas dit. Et la deuxième fois, a priori, elle a fait un malaise. Donc, dans son appartement toute seule. Donc, voilà. Donc, entre-temps, ma fille a fait un Covid aussi. Et ça n'a pas été très joli parce que bon bah elle nous a fait une grosse semaine d'état grippal bien cogné avec des températures pas loin du 41 et le problème c'est que ensuite elle a fait 3 mois de tout, elle a toussé pendant 3 mois et on l'a très très mal vécu parce que d'une part ma fille quand elle a fait son Covid elle venait tout juste de commencer à faire ses nuits, ça faisait pas longtemps qu'on avait l'opportunité de dormir. Et bah, on a enchaîné sur trois mois de nuit horrible avec la petite qui toussait. Alors 3 mois, ça rentre pas dans le Covid long, c'est juste à la limite. Mais du coup, bah, c'est terminé, on est content. Mais c'est vrai que je me suis dit, si on pouvait éviter de faire ça à chaque fois, ce serait pas mal. Et il y a eu toute la période où le vaccin était autorisé aux États-Unis, qui commençait à vacciner en masse des gosses. Avec des gens qui faisaient le pied de grue devant les centres de vaccination en disant « Faites pas vacciner vos gosses, vous allez les tuer !» et tout, voilà. Et pendant ce temps-là, bah, ça a mis une éternité à être validé par l'Europe. Une fois que c'était validé en Europe, j'attendais. Ah bah non, il fallait que ça soit validé par la France. Et une fois que c'était validé par la France, bah, c'était pas fini parce que en fait, il fallait énormément de documents, etc., pour réussir à faire vacciner les enfants. Donc, ouais, ça a été un petit parcours du combattant. Je ne l'ai pas dit à ma mère, mais elle était contre. Hein, ça, au départ, je lui ai fait part peut-être de mon idée de la vacciner, mais après, quand j'ai vu qu'elle était vent debout contre, j'ai complètement arrêté de lui en parler. Et puis, comme pour beaucoup de personnes tombées dans les théories complotistes au moment du Covid, les sujets ne sont pas restés cantonnés au domaine de la santé. Pour la mère de Stéphanie, le 24 février 2022 marque un tournant. Il est 4h du matin. À la télévision russe, Vladimir Poutine prononce les mots tant redoutés. J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. Les sirènes qui retentissent à Kiev, capitale de l'Ukraine, la guerre est déclarée. La Russie a déclenché une opération militaire de grande envergure sur tout le territoire ukrainien. Quand la guerre en Ukraine a éclaté, moi, ça m'a particulièrement touchée parce que j'ai pratiqué pendant plus de 20 ans un sport dans lequel je suis encore bénévole dans un club où il y a énormément de sportifs russes et ukrainiens. Et ça m'a vraiment perturbée parce que bah, à un moment, la guerre en Ukraine a éclaté. Bah, du côté ukrainien, c'était des jeunes filles qui devaient se cacher dans le métro, etc., qui perdaient du bien matériel, et puis ensuite qu'on commençait à perdre des frères, des pères, etc. Il y a même une petite sportive qui est décédée à Mariupol, une petite sportive de 10-11 ans, je crois, un truc comme ça. Ça reste extrêmement violent, donc c'est pas des choses que j'ai vues via les médias, c'est pas des choses que j'ai lues via quelqu'un qui les raconte, c'est vraiment du vécu de ces personnes. Et pendant ce temps-là, côté russe, bah, ça restait... aucun impact sur elle. Et là-dessus, bah, ma mère a suivi le cheminement. Voilà, vu qu'elle avait des sources complotistes qui étaient pro-Kremlin, bah, forcément, elle m'a sorti des discours. Oui, mais la Russie ne fait que se défendre. C'est l'Ukraine qui a commencé, c'est l'OTAN qui a commencé. En plus, c'est tous des nazis là-bas, etc. Et là, j'ai pas pu. Quoi. C'était très, très violent. Et je pense que c'est un des échanges les plus violents qu'on ait eu parce que moi, ce qui me fait mal, c'est qu'en plus, elle savait. Elle sait que je suis dans le milieu, que je suis des gens des deux côtés. Et elle l'a dit quand même, quoi. Et c'est un des moments qui s'est terminé avec « t'as qu'à aller vivre en Russie. Ouais, je vais peut-être le faire. Jamais de la vie, je ferai un truc comme ça. » Il y a eu ensuite un tournant parce que à Noël 2022, ma maman est venue pour fêter Noël avec ses cadeaux, etc. à la maison. Alors, il faut savoir que moi, dans tous les moments qui précédaient, j'évitais de me retrouver seule avec ma mère parce que, en fait, quand mon conjoint était là, j'avais remarqué qu'elle parlait plus trop de ces sujets complotistes. Et donc, je faisais en sorte que mon conjoint soit là assez souvent. Sauf qu'à ce Noël-là, ma mère est arrivée et c'est le moment qu'a choisi ma fille pour remplir sa couche. Donc là, il fallait changer la couche et c'est mon conjoint qui y a été. Et pendant les 2 minutes du changement de couche, ma mère est passée sans transition de « Oh, tu t'es coupé les cheveux, ça te va bien » à « Il ne faut pas que tu fasses vacciner ta fille » en massenant argument sur argument. Et dans les pattes de ta grand-mère, j'ai rencontré une infirmière qui m'a dit que « Et machin, elle est malade d'eux » et « Truc mûche, elle est malade d'eux » etc. Elle a enchaîné. Et moi, j'avais même pas... Enfin, j'étais vraiment sur le derrière, pour pas dire autre chose. Et je savais plus quoi dire, quoi faire. Et c'est arrivé vraiment... c'était sans transition et c'est tombé comme ça. Et du coup, à un moment, j'ai pété un câble. J'en pouvais plus. Je lui ai dit stop, etc. Et je me suis mise à crier très très fort. Je suis montée à l'étage, j'ai claqué une porte, j'ai dit « C'est comme ça, on annule Noël ». Donc, mon conjoint qui est ressorti de la chambre de la petite en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?»« c'est quoi ce bazar ?» et tout. Et donc, il a récupéré ma mère qui était, j'imagine, dans tous ses états aussi. Et mon conjoint a essayé de discuter avec elle en lui disant « Mais tu te rends compte quand même qu'à chaque fois, tu parles que de ça Stéphanie, elle fait en sorte de pas de faire attention à pas parler de ça à chaque fois, mais toi, tu parles que de ça tout le temps. Et là, en fait, je pense que le fait que ça se soit passé en un laps de temps extrêmement court, elle s'est rendue compte que c'était pas moi qui avais mis des pièces dans la machine, que à chaque fois que là, c'était vraiment elle qui parlait. Et je pense que ça a fait du bien que ce soit mon conjoint qui lui dise ça, parce que mon conjoint, il est pas du tout dans l'argumentation au niveau du complotisme, il s'en fiche complètement. Donc je pense que ça a fait du bien. Noël s'est très mal passé, hein. Ça a été très très froid, ça a été très très froid, et ça a continué à être très très froid, parce que dans les 2-3 mois qu'on suivit, moi j'arrivais plus. J'avais plus de relation avec ma mère, c'était compliqué. Alors j'ai pensé un nombre incalculable de fois, après chaque engueulade, hein, quasiment à couper les ponts, mais... moi je suis de nature à m'en vouloir beaucoup, donc je peux pas couper les ponts, c'est pas possible. Je vivrais moins bien en le faisant qu'en le faisant pas, donc voilà. J'ai dû faire un long silence radio quand même de peut-être un mois et demi, et puis c'est ma mère qui a dû revenir vers moi. Et en gros, sur le coup, à chaque fois qu'elle reprenait contact avec moi, on parlait de choses et d'autres, etc. Au début, c'était très très compliqué pour moi de vraiment parler de la pluie, du beau temps, de la météo, de surtout faire attention à ne pas parler c'est encore du quotidien en fait, parce que je sais plus, je crois qu'il y avait plus le pass sanitaire, etc. Mais c'était encore des choses du quotidien, donc vraiment de absolument parler de rien, même qu'il mentionne la politique, parce que c'est Macron. Et donc du coup, au début je faisais attention, et puis je me suis pas rendu compte, mais au fur et à mesure des semaines, des mois, je me suis aperçu que la discussion, elle était beaucoup plus fluide, beaucoup plus que je pensais plus à faire attention, à pas parler de ça, etc. Et en fait, c'est assez récent que j'ai mis le doigt dessus, mais en fait ma mère elle parle plus du tout de complotisme, et c'est pour ça que notre relation elle va mieux. Et je pense que cet événement de Noël a fait un espèce d'électrochoc. En fait, que le problème, ce n'était pas le complotisme. Ce n'était pas qu'elle croit à ce qu'elle croit et que moi, j'y crois pas. Et c'était vraiment qu'elle ramenait le sujet tout le temps. Et elle a dû vraiment comprendre. Et du coup, ça va mieux. Du coup, j'ai retrouvé une mère, j'ai retrouvé une grand-mère pour ma fille. Et je ne dis pas que... Là, pour l'instant, ma fille, elle est encore jeune, elle a 3 ans. Je ne dis pas que je ne vais pas surveiller un petit peu peut-être les discours que ma mère peut mettre dans la tête de ma fille quand elle sera un peu plus grande. Mais pour l'instant, elles font de la peinture ensemble, elles font de la trottinette, etc. Enfin, c'est redevenu un truc normal, en fait. Et ça fait du bien. Et en fait, je me dis un truc qui est assez perturbant, c'est que j'aimerais pouvoir lui dire merci, mais je ne peux pas. Parce que si je dis merci, elle va me dire merci pourquoi ? Il va falloir que j'en parle. Et je ne veux pas en parler, parce que ça va trop bien sans en parler. Donc, C'est bah voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Non, c'est beaucoup plus simple qu'avant parce que on a touché le fond. Hein. À un moment, je voulais plus l'avoir. J'avais plus de mère. J'avais que les mêmes complotistes qu'on a sur Twitter qui te souhaitent du mal dès que tu parles du vaccin, qui te souhaitent d'avoir des maladies et tout. Donc ma mère, c'était limite ça à un moment. Alors que moi, je lui ai jamais rien souhaité. J'ai juste dit que j'avais la trouille, quoi. Elle m'en parle plus à moi, mais je sais qu'elle est toujours à fond dedans parce que, bah, pour plusieurs raisons, je dois faire régulièrement la maintenance informatique, que ce soit sur son ordinateur ou sur son téléphone, et bah, je vois ses notifications, je vois tout. Enfin, à un moment, je peux pas faire de la maintenance en fermant les yeux, quoi. Donc, ouais, je vois bien, mais j'en parle pas. Mais il y a ça, et je sais aussi qu'elle en parle à d'autres parce que je me suis retrouvée un moment à discuter avec d'autres personnes et j'ai entendu, bah, en gros, tout ce que moi j'entendais avant et avec des gens qui étaient réceptifs, qui étaient comme elle. Donc, je l'ai entendu. Et bah, je suis passée à côté, et puis j'ai attendu qu'elle finisse sa discussion et puis on est reparti. Voilà, on a parlé d'autres choses. Mais moi, ça me laisse entendre que, bah, elle fait des efforts pour pas en parler avec moi. Et j'apprécie d'autant plus, en fait. Et les trucs qu'elle fait déjà, tout ce qui est méditation, les groupes de méditation, tout ce qui est yoga, tai chi. Oui, tai chi, elle fait encore. C'est tout ce qui est reiki qu'elle fait plus, etc. Elle a fait aussi des stages de jeûne. Le reiki, que sa mère pratiquait avant, c'est un soin énergétique d'origine japonaise et qui est préconisé par ses adeptes pour soigner des troubles psychologiques. Une méthode non conventionnelle et donc pas reconnue par la communauté scientifique. L'univers du Reiki en France est d'ailleurs observé par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, aussi appelée MIVILUD. Ces pratiques alternatives, souvent liées au courant New Age, sont une porte d'entrée courante vers le complotisme et parfois même vers certaines dérives sectaires. Je pense que dans tous ces groupes-là, il y a vraiment ce type de discussion qui est facilité. Et il y a même une année, c'était en été juste avant, en été 2022, j'ai retrouvé chez elle, parce que je venais nourrir son chat, hein, je me suis pas introduite chez elle, mais j'ai retrouvé chez elle affichée en bien visible, quoi, une liste des gens à suivre. C'était intitulé comme moi, vous posez des questions sur ce qui se passe depuis 2 ans, mais où trouver les réponses? Voici les sites internet que vous pouvez consulter pour avoir plus d'informations. Là, il y avait tout, il y avait André Berkoff, François, Alexis Cossette, Louis Fouché, Réaction 19, bon sens, etc. Ah oui, le masque, c'est bon, pas de gel, de quoi je me mêle, pas de geste barrière. Trump a bien pris soin d'attirer sur lui toutes les flèches. Et ça a été justement une partie de sa stratégie, c'est-à-dire qu'il a été tellement direct et clair dans son approche en 2015-2016 qu'il a mobilisé l'ensemble des forces de l'État profond contre lui dès le début. Et personne ne nous arrêtera ! Encore une fois, tous ces noms sont bien connus de Conspiracy Watch. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver une notice explicative pour chacun d'entre eux sur notre site conspiracywatch.info. Donc je pense qu'il y a des listes qui se transmettent dans les groupes de gens qui sont pas forcément super super à l'aise avec tout ce qui est internet, réseaux sociaux, etc. pour qu'ils sachent où trouver leurs sources, les bonnes sources. Donc voilà, je pense que tous ces groupes là qui sont assez dans le tout ce qui est alternatif, etc. C'est assez perméable à ça. Après je dis pas qu'ils sont forcément tous adeptes, hein, mais voilà, ça m'a un petit peu étonnée de trouver ça, mais voilà, c'est très, très alternatif. Hein, c'est très, oui, mais moi, je ne me soigne pas avec des antibiotiques parce que ce n'est pas bien. Bon, paradoxalement, tout ce qui est hydroxychloroquine, etc., c'est très bien. Mais les antibiotiques, ce n'est pas bien. Alors, mon conjoint en a eu marre de m'entendre parler de ma mère. Mais t'as qu'à lui dire que c'est bon, on n'en parle plus, et puis voilà, mais j'essaye. Non, bah, ça a été très difficile, parce que moi, j'étais au 36e dessous, quand je revenais, et il y a eu des engueulades avec mon conjoint, justement, à cause de ça, parce qu'il en avait marre de me récupérer comme ça, et tout. J'en ai parlé à des collègues, mais c'est vrai qu'en fait, quand on n'a pas de proches complotistes, on s'en rend pas compte d'à quel point on débarque dans un autre monde, quoi. Donc j'avais du mal à en parler à d'autres personnes que, voilà, mon amie, une autre amie. Sinon, j'en ai pas trop parlé autour de moi parce que c'était, au pire, je pouvais dire, ça va pas trop avec ma mère, mais c'est tout quoi. Là, je profite hein, parce que ça a été tellement difficile. Je pense que j'ai été pas loin de la dépression. Quoi. J'avais plus de mère, donc j'ai que ma mère et j'avais plus de mère. Parce que moi, je suis restée jusqu'à ce que j'ai pas mal de discussions avec mon conjoint à ce sujet-là. Je suis restée vraiment dans l'optique de que je vais réussir à la convaincre à un moment. Là, je suis plus du tout. Là, je sais que c'est mort, c'est fini. Faut juste essayer de limiter les dégâts. Mais à un moment, je pensais vraiment que j'allais réussir à la convaincre. Tant qu'il n'y a pas de maladie grave, c'est pas grave. Quoi. Si un jour il arrive un truc un peu plus grave, je vais essayer de. Ça va peut-être être la fin de notre bonne entente. Je vais peut-être remonter un petit peu au créneau pour que qu'elle évite de se soigner qu'avec des plantes. Quoi. Vous venez d'écouter Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch. Merci encore à Stéphanie pour son témoignage. Cet épisode a été pensé par Perrine Bontemps et Victor Motin. L'écriture, le montage et la réalisation sont signés Perrine Bontemps. Vous avez entendu des extraits de C'est dans l'air et d'une édition spéciale Ukraine sur TV5 Monde, datant du 24 février 2022. Un extrait de la bande-annonce du film Hold Up, ainsi que les voix de Salim Laibi, Fabrice Divisio, Kim Glo, Martine Vonner, André Berkoff, Alexis Cossette et Louis Fouché. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées et n'oubliez pas de vous abonner pour être averti des prochaines sorties. Si vous aimez le podcast, vous pouvez le partager et nous laisser 5 étoiles pour le faire connaître. Si vous souhaitez nous raconter votre histoire, vous pouvez nous écrire dans le formulaire de contact qui se trouve sur notre site conspiracywatch.info ou par mail. Merci pour votre écoute, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau témoignage.